chez nous des grenouilles de bénitier, mais aucune n'osera te juger. Même si elle déteste les prostituées, vers 9h on ramasse des petits dons. Puis tous connaissent par cœur les paroles des chansons de Nadia et les épongettes qui chantent Jésus. Oh, et fort à réveiller les morts, et tout le monde devient plus fort. À 10h, il y aura une pause prière avec un chanoine sorti du cimetière. Si tu es patient et reste jusqu'à minuit, il y aura des miracles, des résurrections aussi. Car tout est possible sous le grand chapiteau. Comme Nadia et les épongettes qui chantent Jésus.